cache, t'es qu'à t'es qu'elle. J'arrive dans le fait, zik, zawa, zik, zik. Et je fais l'âge, allez, fik, allez, fik, fik. Un seul, un fik, elle. Cache, t'es qu'à t'es qu'elle. J'arrive dans le fait, zik, zawa, zik, zik. Et je fais l'âge, allez, fik, fik.